Ouais, c'est comme moi, regarde. Lève ton troisième doigt. Président, assis-toi dessus. Et tu verras la tour Eiffel, je crois. Moi je me souviens de cette époque où l'angle franc plein de cons. Des sueurs froides comme Hitchcock. Et les corps qui veulent me frotter dans mon blanc. Mais moi je veux mouillot sur la côte. Vic des putes à bande, quand mais je fais qu'un gun. Pour les masses, tant qu'elle arrive comme ma pote. Alors faut pas que je me vote, faut pas que je fasse comme l'autre. Fils de pute avec sa couronne dans le cul. Oh, c'est pour les subs que je m'exprime. Oh, zut, dans ma sub, les subs se sont crus dans ce cri. Mais ouais, on rôde plein de chaud comme le hummum. Rose là, on cause le drame. Et après, on remme. Achète des armes pour faire du drame. Mais avant, blum blum, on joint le somme. Puis pète ton tum tum. Team, team. C'est pour ma team, ma firme du crime. Que je perds du cul de la France, même pour 2 centimes. Rock, y'a pas de sentiment. Mon cœur a la couleur de ces bâtiments. Bâti n'importe comment. Le flingue en l'air, la tête haute. Tête de fantasme mal rasée. Comme la je suis en manque d'air. Attentif même tout ça. C'est du pactole, dénicher les deux traits. Tout son est de le manque. Sauf que rien à prouver, on est déjà titré. Distributeur glisse, va, on laisse pas. Qui se prennent pour des 6 grosses et des lance pas. Aux hypocrites, c'est d'emblée. Remballé avant que la terre se mette à trembler. Incorruptible va débouler. Blâmé pour être des HLM. Pas tant à perdre. On a du boulot, demande à LM. Y'a qu'avec nos vécu qu'on gonfle le moteur du TDI. On met de côté nos idées hautes du 20ème jusqu'au 9 de I. Dans le viseur, je vise à 10h pour toucher mes désirs. La trahison balance t'amènera dans un trou dans le désert. Je veux entendre du bruit dans la foule. Je veux entendre tous mes fronts réussir. Je veux entendre ton cri quand on déboule. Je veux entendre du bruit dans la foule. Je veux entendre tous les gens applaudir. Je veux entendre tous les gens qui t'écoutent. Je veux entendre du bruit dans la foule. Je veux entendre tous mes fronts réussir. Vas-y, passe la clef, que je mette le contact. Crapuleux comme Lee Van Cleef, violent comme full contact. Des pieds qui poussent trop vite, hargneux comme pique qui attaque. Un K-L-I-M, on passe à l'attaque. Ici les jeunes comptent sur le piste, et pas sur le tac au tac. Show business, on te fait la piste. On débarque à plus de 4, les chantes le son de la rue, et pas de la Starac. Bouffard de bitume et thune, ça déboule dans ta baraque. Tout doucement ça avance, mais très vite ça recule. Enfance, blédard en France, bougie sur le matricule. La basse qui te chauffe le crâne, pire que la canicule. C'est pour laisser couler mon crâne, et tout ça en cellule. Je veux entendre du bruit dans la foule. Je veux entendre tous mes fronts réussir. Je veux entendre ton cri quand on déboule. Je veux entendre du bruit dans la foule. Je veux entendre tous les gens applaudir. Je veux entendre tous les gens qui t'écoutent. Je veux entendre du bruit dans la foule. Je veux entendre tous mes fronts réussir. Ouais, comme dans le dôme où ça tire comme dans Doom. Où ton passé te dépasse, c'est impossible tu l'effaces. T'es pas dans Code Quantum, les problèmes dilués dans ta vodka. 4 Aja, roule la puce, garde le numéro de l'avocat. Et la rue, chaque soir c'est roulette russe. Pneu qui crie, c'est la crise, c'est peu de tendresse. On a tous tant de rêves, on se pousse et y'a beaucoup qu'en crève. Moi et l'équipe, on a mis tous les Zoulous en crève. Rap des grands ensemble, L92, viens on danse ensemble. Ton qui t'assassine, on jette nos gants ensemble. XX et Twin Peaks sur le terrain, des têtes à l'axe de ma rue, à notre rue, en territoire ennemi. Je veux entendre du bruit dans la foule. Je veux entendre tous mes fronts réussir. Je veux entendre ton cri quand on déboule. Je veux entendre du bruit dans la foule. Je veux entendre tous les gens applaudir. Je veux entendre tous les gens qui te foulent. Je veux entendre du bruit dans la foule. Je veux entendre tous mes fronts réussir. Bonjour, Dwez, Gazos, tête frisée, Rapzos. Y'a un jazz, ça pleut nos, canal 20, 92. Pour le bif, ça truande à la Levan Cliff. Ça barbe à la cliff, Barnes Beef pour la mise. Par argent de vis, pour tes devises. Bah, ombré, de quoi te faire un deuxième nombril. De quoi te faire partir en stream cambré. Bah, l'espoir c'est mon brassard, le rêve c'est de brasser. Cadenasser les hasards, m'instruire dans une madrassa. Les murs et les high-kits, tactique dans les Nike. Pass one comme jacket, mon père élevé au high-kit. Pour Gone Brink c'est 30 ans, mais c'est 30 ans. Celle-ci c'est pour réussir, là-bas pour longtemps. Je veux entendre du bruit dans la foule. Je veux entendre tous mes fronts réussir. Je veux entendre